suffocation. In some stupid little town, a black killer killing is the accused in Halloween Town. She's a vampire free. She's got her own style. She's a vampire free. And when she's sick, she wants clever words. Salut à toutes et toutes, la tribu, c'est la Vampire Freaks, c'est la 128, c'est Spike qui débarque dans notre salon et c'est la dernière de la troisième saison. Salut à toutes et toutes, la tribu, c'est Spike et oui, bienvenue dans la 128e Vampire Freaks, c'est la dernière de la troisième saison. Je tenais à remercier les auditeurs qui suivaient cette émission depuis le départ. Et je tenais à remercier les radios qui diffusent. Donc je pense à Fashing Web Radio au Québec, ASW en France, Arden Café, Radio Heavy Metal, Fréquence Creuse, Programmation, Allo Kazik, Trafic de Rock et Christophe Lavnitzak. Voilà, merci de m'avoir ouvert vos ondes cette année. Et certains sont là depuis le départ et je sais que, je pense qu'on aura la même programmation l'année prochaine. Alors je tenais à remercier tous ces gens-là et à vous, mes chers auditeurs. Alors cette semaine, on va faire un truc bien. Il va y avoir du live, de l'exclu, du vinyle, pas mal de live comme une spéciale, quoi. Et on commencera tout de suite avec Live Wire en live et en vinyle de Motley Crue. C'est l'album Too Fast for Love, leur premier album sorti le 10 novembre 1981. On retrouve Come On and Dance, Pins of Your Action, Stick Your Gun, un classique de chez Classic. On écoutera ensuite My Lost Words de Megadeth sur l'album Peace Sells But Who's Buying, leur deuxième album sorti le 19 septembre 1986. On retrouve Wake Up Dead, Peace Sells et Bad Omen, un classique de chez Classic. On écoutera ensuite Fatty Dread de Judge Dredd, c'est sur l'album Last of the Skinhead sorti en 1976. On retrouve Bring Back the Skins, Dread Rock et Banana Soul Song du son culte. On aura ensuite Pure White Snow de Post 1942, c'est sur leur deuxième EP Extended Play, 5 titres, sorti le 15 octobre 2014. On retrouve Bad to the Bone, Miss You Like the Devil, Breath, Color of Red et Pure White Snow. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. Et on finira ce bloc en live avec Bad Luck de Social Distortion. C'est sur l'album Somewhere Between Heaven and Hell, sorti le 11 février 1992. On retrouve Cold Feelings, When She Begins, King of Fool, un bon son rock des années 90. Better than it used to be. Cause I'm alive. Well, I'm alive. Cause I'm alive. Sing along now. Cause I'm alive. Cause I'm alive. Everybody. Fatty Dread, Fatty Dread, gonna shout until him dead. Fatty Dread, Fatty Dread, gonna love until him dead. He knew a poor girl, she had a kiss girl, ate watermelon all day. Never wore drawers, and what is more, it kept the flies away. Fatty Dread, gonna shout until him dead. Fatty Dread, gonna love until him dead. He had a rich girl, never wore a stitch girl, always in the nude. When she was good, she was no good, and when she was rude. Fatty Dread, gonna shout until him dead. Fatty Dread, gonna love until him dead. Fatty Dread, gonna love until him dead. He had another bitch, she had a lot of tits swinging around all day. She was large and made a small charge, but Fatty Dread never paid. Fatty Dread, gonna shaft until him dead. Fatty Dread, gonna love until him dead. He had a black girl, take it up the back girl, she made love all night. Fatty went so fast, pushing in him ass, set his wood alight. Fire the wood burn, fire brigade have to come. Ah, you see the sister jump there, oh Lord Jesus. Fatty Dread, gonna shaft until him dead. Fatty Dread, gonna love until him dead. Fatty Dread, gonna shaft until him dead. Fatty Dread, gonna love until him dead. Fatty Dread, him dead. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Ah, ça commence fort ce premier bloc. On vient de s'écouter, vous êtes toujours dans la 128ème Power Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Live Wire en live et en vinyle de Motley Crue, My Lost World de Megadeth, Fatty Dread de Judge Dread, Pure White Snow de Post 942 et on a fini ce bloc en live avec Bad Luck de Social Distortion. On continuera cette émission avec Love the Poor de Dillinger, c'est sur l'album Live and Direct sorti le 23 juin 2017. On retrouve See It Naughty, High Plantation et Port Judgment. On écoutera ensuite, on aura ensuite une exclusivité, une nouveauté, All Is Gone, c'est de Blackout Arises, c'est sur un album qui sortira en novembre, des nouvelles très vite, on les retrouve sur Facebook et YouTube pour l'instant. On écoutera ensuite La Thune, le nouveau Angèle, c'est le clip vient de sortir, l'album sortira le 5 octobre, comme elle le dit si bien elle-même, pour entendre les chansons de l'album, ben venez en concert. Allez sur la page Facebook de Angèle ou en poudre, sur YouTube et toutes les plateformes digitales. On aura ensuite une autre nouveauté, Bison and Bear de Saint. C'est sur leur premier EP, First Blood, qui vient de sortir. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp et YouTube. Il y a un album qui se prépare, un album apparemment. Des nouvelles très vite. Et on finira ce bloc en live avec Light Zeit de Rammstein. C'est sur Live aus Berlin, sorti le 30 août 1999. On retrouve Spiel mit mir, Erotemisch, Volt et Volt ihr das Bett in Flammen sind hier, un classique du métal. Do you know the love of the Papa? I'm not in the position to entertain you the way that you're accustomed to. Can't take you out to fancy places like other fellas that I know can do. I'm only able to romance you or make you tingle with delight. Financially, I'm a pauper. Everybody sing. But when it comes to loving, I'm alright. Alright. Alright. I'm alright. Don't show me what your friends are wearing. Want to see? Oh, yeah. Don't tell me what your friends are buying, girl. Ooh. 'Cause money doesn't grow on trees. Oh, yeah. Tell me about the things that excites you or make you tingle with delight. But if you prefer love to luxury, you got to tell me, baby, I'm alright. Alright, I'm alright. Oh, I said I went up to Isafi, buy a little bike. The price of the bike make me broke a little. I must see judgment time. Uh-huh. Lord, I must see judgment time. Lord, I must see judgment time. Lord, I must see judgment time. I went to the market to buy a piece of food. The price of the food me have to go like me would. I must see judgment time. Lord, I must see judgment time. I sing, I must see judgment time. Lord, I must see judgment time. I said I went up to Elite to buy a little stove. The price for the stove me have to fall in a dose. I must see judgment time. Lord, I must see judgment time. You watch an hard road to travel till you want a mighty long way to go. Till you say that Jah Jah the blessed Savior, man him have a show I the way I know. Till you that many gone down to the valley, claim said him gone where water flow. Move your foot and make me put fear. good for me. Because you wear size 11, mommy wear size 7. Who feel your foot and make me put for me. It is not a judgment time. Lord, I must see judgment time. Sing, I must see judgment time. Lord, I must see judgment time. But I'm sorry, people, but I've got to leave ya. But I know if I leave, you're gonna grieve ya. I've got to leave ya. But before I leave ya, sorry to say, but I'm on my way and I won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. Please hang up and try again. Yeah.

mon cœur und von der Seite den Fisch gibt er ihr selbst. Dieser häutet sich vor leeren Boden, die alte Haut fällt auf den Boden. Schwestern und von hinten der Fisch bis sich zum Mund, die Kehle blutig noch fortsaugen an den roten großen Ça me fait super plaisir de vous rediffuser ça, ce Light Zeit en live. Vous êtes toujours là, 128e Vampire Freaks, et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter Love the Port en live de Dillinger, All is Gone, l'exclusivité de Blackout Rises, La Thune, le nouveau Angel, on a ensuite Bison and Beer, le nouveau Saint, et on a fini ce bloc en live avec Light Zeit de Rammstein. On continuera cette émission en live avec un long morceau de Blue Oyster Cult. Ouais, je dis long parce que je vous le mets en entier, il fait 8 minutes 49. Donc on en a pour un petit moment. Et profitez-en bien, c'est cadeau. C'est sur l'album On Your Feet et On Your Knees de 1975. C'est un best-of mais en live. On retrouve Harvester of Eyes, City on Flame et Hot Rails to Hell. Voilà, du son culte. On écoutera ensuite Narcisse 80 de Hubert Félix Tiefen. C'est sur l'album Dernière Balise avant Mutation, son quatrième album sorti en 1981. On retrouve 113e Cigarette s'endormir, Mathématiques souterraines et Exil sur Planète Fantôme, du son classique. On continuera avec une nouveauté, All You Can See, c'est le nouveau Dusk of Delusion. C'est sur l'album Funfair, sorti le 9 mars 2018. On retrouve White Words, Sharpet Karst et Wooden Horses. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On continuera avec une nouveauté, enfin c'est pas une nouveauté, c'est nouveau dans la radio. Je tenais à remercier Romaric de KFB de m'avoir fait passer ces sons là. C'est Brique après Brique de Brahim, c'est sur l'album Sans Haine, sorti le 20 avril 2012. On retrouve Faut-il, Clone et Pour Toi. On le retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes numériques. Et Brahim, il y en aura d'autres à la rentrée. Et on finira ce bloc en Live, Bohemian Rhapsody de Queen, c'est sur l'album Live Killers, sorti en 1979. On retrouve We Will Rock You, Bicycle Race et We Are the Champions, du son culte. Refrain from glancing at a mirror's pane. with the light, baby. I can't stand it now. Not talking about the light above, I'm talking about the hellfire down below. That's right, that's a Lucifer light. I said I'm talking about Lucifer. L-U-C-I-F-E-R. I spell it Lucifer. Alright. I know Lucifer so well, I go by his first name. What do you call him? I said I call him Hey Lou. And if he don't answer? I said Hey Lou, lover boy. Don't mean read. He's gonna come and take you away. Take you. Take you away. Hey girl. Y'a des traces de pneus sur ton flip et ta petite soeur qui se tape ton fils. Vampire Freaks chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Quand on a commencé, qui te torchait le cul quand on a débuté. Apprends un peu tes classiques au lieu de jaser. Tu veux faire du reggae, soit mais tu ne veux esquiver des fondations telles que Brigadier Jerry, Charlie Chaplin, Josie Wells, Daddy U-Roy, Yellow Man, Michigan, ou pas Smiley, Papa San Chris, Belle et Ninja Man ou le Major. Ouais, brique après brique, on construit la maison. Brique après brique, sans se poser de questions. Brique après brique, on monte les fondations. Mon frère, c'est pour toi que je veux chanter et tirer mon chapeau. Mon frère, oui, je te donne tout mon respect. Et mon nom, c'est Merlot. Combien de fois tu aurais pu lâcher, mais tu reviens encore. Combien de fois ils t'ont tué, mais tu reviens plus ma fort. Ma détermination brûle toutes les embûches et les problèmes. La souffrance est moins dure quand on fait ce que l'on aime. Si ce que je dis ne te plaît pas, si ce que je dis te gêne, si l'amour n'est rien pour toi, si tu deals avec la haine, je ne changerai pas le monde, mais je l'écris. C'est vrai depuis longtemps, j'entends les cris. Mes sentiments sur le cahier, je les transcris. Avec ma manière, qu'importe ce qu'on en dit. Ouais, brique après brique, on construit la maison. Brique après brique, sans se poser de questions. Brique après brique, on monte les fondations. Ouais, brique après brique, après brique, après brique, après brique, on construit la maison. Brique après brique, sans se poser de questions. Brique après brique, on monte les fondations. Je ne vais pas plus vite que la musique, je savoure chaque instant. Doucement mais sûrement avec le temps. En gardant la passion que j'avais étant enfant. Y'a longtemps que je sais que j'ai le son dans le sang. Je ne sais pas faire semblant, je prends le micro précieusement. Si je le chante, je le pense franchement. Dans ce pays, dans tout, faut tout en prendre de l'élan. Car souvent le physique passe avant le talent. Ouais, brick après brick, on construit la maison. Brick après brick, sans se poser de questions. Brick après brick, on monte les fondations. Ouais, brick après brick, après brick, après brick, après brick, on construit la maison. Brick après brick, sans se poser de questions. Brick après brick, on monte les fondations. On la voulait cette vie de bohème. Ah, ça faisait un moment que je ne vous avais pas mis un grand morceau. Vous êtes toujours à 128e à Paris, spécial dernière de la saison. On vient de s'écouter Seven Screaming Disburst en live de Blue Oyster Cult. Ah oui, ça faisait longtemps un grand morceau comme ça. J'en mets pas souvent, mais celui-là, je le laisse jusqu'à la dernière note. On a eu ensuite Narcisse 81 d'Hubert Félix TFL. On a eu ensuite All You Can See de Dusk of Delusion. On a eu après Brick Après Brick de Le Nouveau Brame. Enfin, et on a fini ce bloc en live avec Bohemian Rhapsody de Queen. On continuera cette émission en live avec Mom 40 de Massilia Sound System. C'est sur l'album Commando Fada, sorti en mai 1995. On retrouve Commando Fada, Mise en Examen, Dégani Personne et Occitan. Les zones numéro 1, un classique du reggae français. On aura ensuite une nouveauté, Big Fat Lie de le nouveau Marie-Antoinette. C'est sur leur EP leur album EP 2017, 4 titres, Big Fat Lie, Out of My Man, Overcome et Today Your Love. Ils préparent leur premier album. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera ensuite Stupéflip de Stupéflip. C'est sur l'album Stupéflip, sorti en 2007. On retrouve Abba La Hiérarchie, Je Fume Plus de Shit et Épouvantable Épouvantail. On les retrouve sur Facebook, YouTube, Bandcamp et toutes les plateformes digitales. Et on écoutera ensuite une exclue, Ali Beka HR Take. De THC, c'est du son démo, c'est un petit gars de chez moi et qui n'en veut, et du coup il cherche un peu à se faire diffuser, donc je le prends sous mon aile. Alors on le retrouve sur Facebook et YouTube, et on finira ce bloc en live avec Fils 2 de Berrurier Noir. C'est sur l'album Viva Bertaga, sorti en 1989, et on retrouve tous les classiques des Berrues. Au tourment. Tu voulais que ton tafanori. Mais le plus important, c'est de se bouleguer la tête d'abord. Et de venir au sein du système pour faire la fête et danser. One XP, c'est lui. Qui te l'a dit, l'XP? Sound System of TV. Sound System. Cette chanson est pour chacun jeune. Tous, est-ce qu'on consomme, est-ce qu'on perd les amoureux? Et de deux pour tous les amoureux. Eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi, eu me fugi fondue. Et on m'a fondue, même pas au moins m'a parlé. Tu dis histoire et politique. Même foutu. Et j'en parlais de ridicule. Même foutu. Et la mère sans vie sans vie. Même foutu. Et la tierce même pigiste. De la cuisine de mi-corps. Pas nous soit fort et la critique. La de la tierce même pigiste. Pas nous soit fort et la critique. Et bien encore et bien au pas. Et on m'a fondue. Et on m'a fondue. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas. production. Elle n'aime pas les bars, c'est la vieille dame du tu. Elle n'aime pas beaucoup les bars. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéfix, stupéfix, c'est le truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiment. Stupéfix, stupéfix, c'est le truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Stupéfix, stupéfix, c'est le truc stupéfiant. Ça t'agrippe, ça t'attrape et ça fait pas de sentiment. Stupéfix, stupéfix, c'est le truc stupéfiant. Stupéfix, stupéfix, c'est le truc stupéfiant. C'est l'heure là, l'heure du gouffre, allez pousse tout ton rec. C'est la guerre, c'est trop naze, citronnade. Il en mousse jusqu'au bout de la terre. Si je perds, c'est trop tard, si je fuis les problèmes, c'est tentant d'être calme. Qu'est-ce qu'un homme, je vous attends. C'est un loup, un agneau, si maudit les enfers sont détend. Sert le diable sous ses ordres comme qu'un. Et puis tout un troupeau si joli va se cacher. Tu m'entends, comprends pas, survient l'offre dès le matin. Et puis toi, sors du lot, c'est folie de s'en aller. En rentrant de la bataille, c'est un ordre, sois malin. Allez gars, sors d'une tombe, certains sentent mal. Des centaines maléfices, Alika il est surplombé. Zycor dans l'avance, pour mes faits, pour mes gestes, peu me fasse pour les vifs. Mais c'est raccord à la France, pas la fête pour les frères. Mais sur Crète, tant d'enfance, perds pas face devant l'ennemi. C'est le temps, celui qui passe, profitons de ses avances. Partons donc dans la danse, en lâchant des mots forts. C'est la sang, mec à force, jusqu'au fond du tombon. C'est la famille de l'âme, un famille du monde. Où sortirait ma lame à la face de ce monde. Que je peux l'ami, je dénoncerai les calomnies. Mes rimes refuse de dynamite et moi refuse de sale. Se vit la mise, travaille le sol, se vit le sens critique. Lui seul s'aiguise pas à pas. Télé, BFM, LCP, une chaîne publique pas à pas. Ça se fait à deux heures, les chaînes coïdes, pas bravo. Les ancêtres dans leur tombe se tournent vite. 40 ans, pas capable de servir d'un tournevis. C'est ça parle et ça parle sans savoir. T'es la ministre, la connerie, t'es la milice. La folie, j'ai administré. Passe le paquet, pas de manie frère. Pique la prod de bar, j'manidais. J'passe à l'impact et j'gagne vite fait. J'sors la tête qui font des abysses frères. Y'aura peut-être du son, ça pourra le faire. Ouais mais un bête de fond, et là ça me plaît. J'ai pas mal de temps, faut que j'apprenne à sampler. Y'a pas masse d'ambiance, faudrait se rassembler. L'âme d'amas, pas l'âme d'homme assouvie. Mais le doc dans ma salle, fil dès le bord dans la salle. J'ai fog marine, agent la salle. Des tonnes d'arrivage, de somme frais. J'ai 10 balles, c'est ma conso frère. Ah quand voyage avec la princesse et ses frais. Faut que je me bouge, mais dans le principe ça c'est fait. J'ai levé mon cul, j'ai marché 10 km. Avec ce kilomètre, j'ai prié quand il fallait. Va taper au bon endroit, je vais pas rapper au bon emploi. Je vais braquer au fond du bois, t'es braqué, pas peur de toi. Check en face ses paroles, pas un rhum orange. Check en bas ses paroles, pardonne-moi. Le temps passe, c'est pas drôle, par endroit. L'éteint passe sous ta gorge. Puisque je peux la vivre, je dénoncerai les calomnies. Mes rimes, office de dynamite, est mort, office de sale. Se dit la vie, se travaille le sol, se dit le sens critique. Tu sais, c'est guide, pas à pas, télé, BFM, LCP, une chaîne, tu vives pas à pas. Ça se fait à 2h, les chaînes goïdes, à 2h. Dans les chaînes coïdes, à l'ancienne dit que le chromie me lancera de la bête en 8. Tant de deux bête de rime, pas de la dire. Tu es une machine, mais de mes textes l'auteur. Peut-être pas un artiste, mais de la zik, un autiste. Son molotov, t'es quand ton parent te part, pas moi j'arrive. J'mets la vitesse au-dessus, pas pas gueule, tu suis habitué à quand j'pars dans le sud du soleil. Jusqu'à mimoler, du pollen, du sky. J'm'en allais, on se taillera à l'heure. On s'en taillera jamais dans cet enfer. On sky sans arrêt. C'est fou, je mets à fond cette question, sacré frère. Saute pas d'un pont, saute l'ange, sacrilège. Mmh. Vampire Freak chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite. Ça fait plaisir ces petits berrues en live. Vous êtes toujours dans la 128e Vampire Freaks et c'est la spéciale dernière de la saison. On vient de s'écouter Man 40 en live de Massila Sound System, Big Fat Lie, le nouveau et l'exclusivité de Marie-Antoinette. On a eu ensuite Stupéflip avec Stupéflip, Ali Beka, HRTK, le nouveau et l'exclusivité de THC, et on a fini ce bloc en live avec Fils de Berrurier Noir. On continuera cette émission en live avec Vals del Obrero de Scapé. C'est aussi le titre du deuxième album sorti le 21 mars 1996. On retrouve El Gato Lopez, Sectas et Cannabis. On les retrouve sur Facebook, Bandcamp, YouTube et toutes les plateformes numériques. On écoutera une nouveauté, Station 13, le nouveau Indochine. C'est sur 13, leur 13e album sorti le 8 septembre 2017. On retrouve Black Sky, Karma Girls et Carthagène. On écoutera ensuite deux grands classiques à la suite. Truth Has Come Again de Jacob Miller, c'est sur l'album Tenement Yard sorti en 1976. On retrouve Money, Tenement Yard et Forward Jaja Children du son reggae culte. Et on enchaînera avec Babylon to Wrath de Gregory Isaac, c'est sur l'album Over the Years volume 2 20 Massive Hits sorti le 4 mars 2009, mais c'est des archives de entre 1970 et 1983. Donc on retrouve Sunshine For Me, John Public et Addicted To You. Et on finira ce bloc en live avec Osmos 99 de Parabellum. C'est sur l'album Postmortem sorti le 3 novembre 1997. On retrouve Père Noël, Saturnin et Cayenne, un classique des Parabellum. Orgulloso de estar, orgulloso de estar. Yeah. la révolution. Sí, señor, la révolution. Sí, señor, somos la révolution. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, somos la révolution. En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. No se importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego en el que siempre pide el mismo brindar. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Let's go. Je descendis toutes les rivières, loin des Judas et des faux frères. Il y aura un pas de toi quand la nuit tombera près de nous. Oui, oui, oui, c'est moi. When I was a ballet man, they used to know my name. But now that I'm a dreadlocks man, they don't know me anymore. Singing Alla Alla Alla Alabama, the truth has come again. Kings of kings and lords of lords, conquering the lion of Judah's hall. Don't judge a man by the way he looks, judge a man by his ways. The Father said, let no man be judged, 'cause judgment day will come. Singing Alla Alla Alla Alabama, the truth has come again. Kings of kings and lords of lords, conquering the lion of Judah's hall. Ooh, yes. Mm-hmm. father said, let no man be judged, cause judgment day will come. Singing Allah, Allah, Allah, Alabama, the truth has come again. Kings of kings and lords of lords, conquering the lion of Judah saw. When I was a ballad, they used to know my name. But now that I'm a naughty, yes, no. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Vampire Freaks, ça arrache. Ce moment de partage avec vous, mes amis, est magique. Plein de grands classiques. Très bon son maison. Vampire Freaks, ça arrache. On occupe voir chanter ton jour heureux. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. Pour troisième millénaire, la démocratie est en fer. Président du parti unique, nous avons mis plus de flics. On doit être content de constater, s'immigrer, s'émigrer. Ils veulent nous fabriquer une voiture. Et pas une tente d'aventure. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. Merci à vous d'être venus, camarades. Que la nuit vous soit douce. Que l'hiver vous soit au chaud. À la fin de sa déclaration, le président de l'extrême gauche a dit qu'il fallait tenir. Si la crise faisait venir, les infos sont renouvelées. Ça ne m'est pas trop dérangé. De toute façon, on n'a plus rien. On a déjà bouffé tous les chiens. Tu crois, à part ça, ça va. Je ne fais plus des concerts pour moi. Public n'existe plus. J'ai même pas ce qu'il est devenu. Marcher ma solo, j'ai trouvé une dynamo. J'fais talent jouant de la guitare. J'espère au moins une fois te voir. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. T'as cru, perdu, tout ça c'est la politique. T'as joué, gagné, t'as tiré un as de pique. Perdu, tout ça c'est la politique. Oh oui, ça arrache le bitume. On vient de s'écouter Vals de l'Obrero en live de Scapé, Station 13 de nouveau Indochine, True Has Come Again de Jacob Miller, Babylon to Wrath de Gregory Ziak, et on a fini ce bloc en live avec Osmose 99 de Parabellum. Cette 128e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours retrouver l'émission sur archive.org et les podcasts et tout ça. Un petit message si vous le souhaitez sur la page Facebook de l'émission Vampire Freaks, l'émission radio. On finira cette émission avec Franc Tireur en live de Pigalle. C'est sur l'album Pigalle Live, sorti le 15 juin 1992. On retrouve la goutte d'or Pigalle et dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Allez, à la rentrée, donc je serai là à partir du lundi 3 septembre sur les radios citées un peu plus en début d'émission. Peut-être qu'il y en aura des nouvelles, hein, on verra ce que réserve cet été, parce que cet été, je vais me concentrer un peu plus sur Morchaine 43. Ça fait longtemps que j'ai rien fait. Et donc, à la rentrée, et n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et toutes, la tribu! N'oubliez pas, Vampire Freaks, ça arrache. Sagement les tours, mais je crois qu'un jour je vais tricher, j'ai passé avant mon tour.